tout à Braun s'écart. Voyons, quel âge me donnez-vous ? 28 ans ? J'en ai 99. Et quand je dis 99, j'en ai peut-être plus. Parce qu'enfin, vous savez ce que c'est ? Quand on a atteint un certain âge, il arrive qu'on aime bien, de temps en temps, à avaler une ou deux années. Et alors, quand après on veut faire l'addition juste, à moins d'être très bon comptable, on ne s'y retrouve plus. Eh bien, maintenant, il n'y a plus besoin de s'occuper de ces additions-là. Il ne faut plus penser qu'aux soustractions. Et pour ça, gloire à Braun s'écart. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est que Braun s'écart. C'est bien ça. Mais Braun s'écart, il est plus grand que la tour Eiffel, qui est destinée à vieillir, tandis que lui, il est fait pour rajeunir les autres, s'il vous plaît. Parfaitement. Prenez un homme dans les 70 à 75 ans. Vous trouverez cela plutôt parmi les vieillards. Portez ce vieux corps à Braun s'écart. Vlan, en un tour de main, il vous rendra un corps tout neuf. Vous me direz que c'était une idée qui existait déjà, puisque depuis longtemps, vous voyez, sur les affiches de chapeliers, donner 4 francs et un vieux chapeau, on vous en rendra un neuf. Mais enfin, ce n'était en pratique que chez les chapeliers, et c'est déjà très beau d'avoir pensé à appliquer cette idée-là à l'humanité. Et puis enfin, Braun s'écart ne vous demande pas 4 francs pour ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je mets cet homme-là beaucoup plus haut que Musset ou Victor Hugo. Vous me direz, ceux-ci ont chanté la force, l'amour et la jeunesse, mais j'aime beaucoup mieux l'autre qui me permet de chanter tout ça moi-même. Et comment ? Grâce à un élixir, une mixture qu'il a trouvée, une eau qui vous rend la vie, une eau de vie, quoi. Ah, voilà une marque qui enfoncera celle d'Annecy ou de Martel. Comme c'est simple. Vous prenez les organes nobles d'un individu quelconque. Il ne faudrait pas croire que par organes nobles, on entende des organes de marquis ou de duc. N'importe qui a des organes nobles, même dans l'intransigeance la plus avancée. Ainsi, M. Laguerre ou M. Rochefort ont des organes nobles. Quand je dis M. Rochefort, je choisis mal mon exemple. Il est marquis. Mais enfin, il ne serait pas marquis qu'il en aurait tout de même. Eh bien, ce sont ces substances qui, soigneusement pliées dans de l'eau distillée, rendent de si grands services à la société, en vertu, sans doute, de ce dicton « noblesse oblige ». Seulement voilà, le difficile était précisément de se procurer les dites substances. On avait bien pensé à faire appel à la bonne volonté des âmes généreuses, à organiser, pour ainsi dire, une collecte où l'on n'accepterait que les dons en nature. Malheureusement, Braun s'écart avait compté sans l'égoïsme de la nature humaine. On ne saurait croire combien peu de gens sont disposés à se laisser piler pour le progrès de la science et l'amour de l'humanité. C'est alors que Braun s'écart a songé à s'adresser à une autre classe d'individus avec lesquels on n'avait pas à entrer en discussion sur les droits de la propriété. Au lapin. Le lapin est en effet un animal qui, sans en avoir l'air, se rapproche beaucoup de l'homme. Et la preuve, c'est que sans cesse, vous entendez dire que pour désigner un de ces braves à toute épreuve, un de ces gaillards qui payent comptant à leur dite, c'est un lapin. Quelques dames emploient aussi ce terme-là, mais alors ce n'est plus du tout pour désigner un gaillard qui paye comptant. Donc, si le lapin se rapproche de l'homme, rien d'étonnant à ce que les propriétés de l'un s'assimilent à celles de l'autre. C'est pourquoi Braun s'écart, pour expérimenter son invention, eut recours à quelques-uns de ces animaux auxquels il emprunta précisément les « propriétés » en question. Quand je dis « emprunta », c'est dans le sens, bien entendu, où l'emploient les gens qui vous demandent 100 sous, avec la ferme intention de ne pas vous les rendre. Et voilà, le tout trituré et ensuite injecté sous la peau du vieillard à retaper, c'est là ce qui vous rend cette belle jeunesse que vous admirez chez moi. Je vous dis, c'est merveilleux. C'est même pour ça qu'il ne faut pas trop en abuser, parce que au bout d'un certain temps, à force de rajeunir, on finirait par n'être pas né. Pour soi, à ma foi, ce ne serait pas un grand mal, mais quelles conséquences pour les enfants qui se trouveraient être les fils d'un père qui n'est pas encore de ce monde. Mon Dieu, je ne vous dirai pas que cette invention a atteint son plus haut degré de perfectionnement, non, car jusqu'à présent, on n'a pas encore pu dégager le véritable principe vivifiant des autres principes nuisibles ou contraires. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en vous injectant la force et la jeunesse de l'animal, on vous injecte aussi ses autres propriétés, C'est plein d'inconvénients. Ainsi, tenez, il y a une vieille dame. On l'a rajeunie en lui inoculant une décoction de femelle de cobaye. Au moment de l'opération, on ne s'est pas aperçu que la bête était pleine, et quelques mois après, cette bonne dame mettait au monde une portée de petits cochons d'Inde. Eh bien, vous m'avouerez que c'est très ennuyeux. Voilà une source de procès quand la dame mourra. Car enfin, vous vous figurez la tête des collatéraux quand ils verront l'héritage passer entre les pattes de la ligne directe. Et s'il n'y avait que cet exemple. Tenez, vous n'avez pas vu Louise Michel depuis quelque temps? Ah bien, elle aussi, elle a eu l'idée de se faire rajeunir. Parce que beaucoup de gens lui avaient dit qu'elle commençait à devenir rococo. Eh bien, aujourd'hui, elle est complètement albinos. Oui, parce qu'on lui a inoculé des organes de lapin russe. Vous voyez donc où est le danger. C'est même à cause de ces fâcheuses assimilations que le gouvernement a fait interdire à M. Braun-Sécard d'employer le lapin ou le cobaye avec les ministres qu'il pourrait avoir à traiter, ces messieurs ayant assez de leurs tendances naturelles sans qu'il soit encore besoin de leur inoculer des organes de rongeurs. Ces restrictions faites, l'invention n'en reste pas moins admirable. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs des vieillards en traitement comme moi chez Braun-Sécard. Ce sont de véritables gamins. Je les ai trouvés en train de jouer aux billes. Il y en avait même qui tétaient. Mais alors, c'était ceux qui étaient en enfance. C'était charmant, un vrai printemps. Il y avait là, entre autres, un tout jeune homme très élégant. Braun-Sécard me mena à lui et me dit « Je vous présente Monsieur Jules Grévy. » C'était l'ancien président. On ne le croirait pas, il est méconnaissable. Immédiatement, nous nous sommes liés. Il m'a expliqué que c'était Madame Grévy qui l'avait envoyé chez le savant. Parce qu'il paraît qu'à Mons ou Vaudray, où on se plaignait beaucoup, qu'il n'y eut pas de petits Grévy dans la famille. Oui, ils sont très grévistes à Mons ou Vaudray. Et alors, Grévy avait promis, en dépit de Wilson, qu'il la trouve mauvaise. Seulement, voilà, une chose ennuie fort aujourd'hui l'ancien président. C'est précisément à propos de Wilson. Il est arrivé que, depuis qu'il est en traitement, le beau-père est devenu beaucoup plus jeune que son gendre. Et alors, c'est celui-ci, maintenant, qui exige que l'autre lui parle avec respect. Il lui a dit « Quand tu m'adresses la parole, je te défends de me tutoyer, et je te prie d'enlever ton chapeau. » C'est vexant. Je n'avais rien à faire ce jour-là, ni Grévy non plus. Je lui propose un tour de promenade. Nous prenons l'omnibus. Grévy me dit « Je n'ai que des pièces de 5 francs sur moi. Vous seriez bien aimable de payer le conducteur. » J'allonge 12 sous et nous descendons devant l'Élysée. Là, nous nous arrêtons et Grévy pousse un soupir. Oh, dire qu'il y a 2 ans j'étais président là-dedans, ah, c'était une bonne affaire. Mais à ce moment, le fonctionnaire qui a des ordres pour ne pas laisser stationner vient nous dire « Allons, jeunes gens, circulez !» Alors, nous sommes allés dîner. Au moment de l'addition, Grévy me dit « Je n'ai que des billets de 100 francs sur moi. Vous seriez bien aimable de régler. » L'addition payée, nous gagnons les Folies Bergères et nous prenons une loge. Grévy me dit « Je n'ai que des billets de 1000 francs sur moi, vous seriez bien aimable de régler. » Et nous passons une soirée délicieuse. Grévy fait la connaissance d'une petite dame charmante et du meilleur monde, si bien qu'à la fin, ils ne veulent plus se quitter. Alors moi, je les laisse et je rentre. Eh bien, vous ne le croiriez pas. J'ai revu la dame il y a peu de jours. Grévy, Grévy, dont nous connaissons cependant la générosité proverbiale, Grévy ne lui avait pas laissé le plus petit souvenir. Et savez-vous pourquoi tout ça? À cause de la fâcheuse lacune que je vous signalais tout à l'heure. Grévy avait été inoculé avec des organes de lapin.